Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bienvenue sur la Rythme, la radio indépendante à transmission magique. Je vous présente le troisième podcast de la Gazette. Donc c'est l'équipe habituelle, vous venez d'entendre Purple, viendront Bruno et Elena, et moi c'est Alice. Et voilà, donc suite au sondage fait sur la Gazette, nous vous annonçons que les podcasts seront plus courts et apparaîtront plus souvent. Par contre, les rubriques que vous n'entendrez pas cette fois, eh ben ce sera pour la prochaine fois. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à deux nouvelles recrues. D'une part, Mona, qui rejoint Big Banner et Luna Lovegood pour s'occuper de la retranscription des épisodes de la Rythme. Et d'autre part, Willem, qui rejoint les reportages de la rubrique actualité et qui publiera donc des articles et des brèves sur le site principal. Bienvenue à tous les deux. Actualité. Vous y avez cru, n'est-ce pas? La news du dernier podcast concernant la date de sortie du tome 7 en français était un poisson d'avril. 5 nouvelles photos de l'Ordre du Phénix sont disponibles sur la Gazette. On y voit notamment Drago, Neville, Hermione dans le bureau d'Ombrage, les enfants Weasley, Ombrage et Rusard et les jumeaux Weasley. La Warner Bros. A fait savoir via un communiqué de presse que les 20 dernières minutes du film seront converties en 3D dans les cinémas IMAX. Donc ce sont les scènes du département des mystères et le combat entre Voldemort et Dumbledore. Michael Goldenberg, le scénariste de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, a donné une interview au site anglophone The Leaky Cauldron. Il y prouve qu'il est un grand fan de Harry Potter et explique les choix difficiles qu'il a dû faire pour faire tenir les 976 pages du tome 5 en 2h30 de film. La traduction de l'interview est disponible sur la Gazette. Faux théorie. Pour la partie théorie, ça ne surprendra personne, nous allons parler des couvertures qui ont été révélées il y a maintenant un peu moins de 2 semaines. Aujourd'hui, on va se consacrer exclusivement à la couverture anglaise pour enfants. Ça permettra de parler des autres couvertures la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouh, beaucoup de choses. Déjà, moi, j'étais contente de retrouver le trio. Ouais. Le fameux Harry, Ron, Hermione qui sont ensemble parce que ça prouvera qu'ils feront la quête des Horcruxes ensemble. Ouais, donc ouais, ça, déjà, c'était pas mal. Alors, Harry, Ron, Hermione, et puis une créature qui se cache, qui est accrochée à l'épaule droite de Harry. On n'arrive pas à savoir si c'est un gobelin ou un elfe. Et qui tient une épée qui pourrait être l'épée de Gryffondor. Mmh, parce qu'elle a un rubis. Ouais. Et personnellement, je pencherais plutôt pour l'elfe en moi fait. Aussi. Parce que pourquoi il aurait un gobelin accroché dans son dos alors qu'il pourrait tout simplement avoir Dobby? Dans l'hypothèse où ça se passe à Gringotts, on peut comprendre qu'il puisse y avoir un gobelin dans l'histoire, mais d'un autre côté, je pense. Mais il l'aiderait pas à ce point et il serait pas à ce point proche de Harry. Ouais. Non, mais je pense que c'est un elfe aussi. Ça peut se passer à Gringotts, mais je pense pas que ce soit un gobelin pour autant. Alors. Certaines personnes diraient oui, c'est un gobelin parce que si on compare donc une image de gobelin et une image d'elfe, oui, mais dans ce cas-là, c'est les images des films. Alors on va juste faire un petit peu attention. Il y a une image de gobelin et d'elfe au dos de la couverture du tome 5, puisqu'on voit la fontaine magique qui est au ministère. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que là-dessus, les gobelins et les elfes, moi je trouve qu'ils ont des oreilles très semblables. Je prends plutôt. Les gobelins ont des oreilles plus fines, les elfes des oreilles plus tournées vers l'intérieur. Donc, enfin, au final. Après, ça dépend peut-être de l'individu. Voilà. Ouais, mais enfin, moi, voilà. je me base plutôt sur donc les descriptions de J.K. Rowling. Ouais, et donc, ouais. Par exemple, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc la première fois que Harry voit un elfe, il dit la petite créature assise sur le lit avec des grandes oreilles semblables à celles d'une chauve-souris et les yeux verts globuleux, etc. Alors que la première fois que Harry voit un gobelin, il le décrit plutôt sur son teint sombre, le visage intelligent, une barbe, les pieds et les doigts fins, longs et fins. Et alors qu'il parle pas du tout des oreilles. Alors que s'il aurait eu les oreilles longues et pointues, à mon avis, il l'aurait vraiment décrit, quoi, ouais. Je pense. Ouais. Donc à mon avis, c'est plutôt un elfe, quoi. C'est plutôt. Je pense aussi, ouais. Son elfe. Ok, très bien. Donc ça, c'était la créature. Ensuite. Le grand cercle qui a derrière. Ils sont habillés bizarrement. Oui, quand même. Alors, les vêtements de Ron et Hermione, c'est vraiment bizarre. Harry oui. est habillé normalement, enfin, il a un pull. Bah, en fait, on n'arrive pas à savoir pour Harry. Hein. Une espèce de sweat. Quelque chose de noir. Ça se trouve, c'est une robe aussi. Ouais, je crois. Mais, un sweat ou. Non, je pense pas non plus. Mais Ron et Hermione, ils sont habillés ouais. bizarrement. Sachant qu'en plus, on voit juste en dessous qu'il y a une fiole verte ouais. comme la robe de Ron et il y a une fiole violette comme celle voilà. d'Hermione. C'est bizarre quand même. C'est un peu bizarre parce que c'est les seules couleurs finalement autres. Parce que sinon, c'est dans que le rouge et voilà, l'or. Rouge ouais. et or, quoi. Et puis, là, et puis ouais. L'armure qui est plus dans les bleus. Mais sinon, c'est vrai que c'est rouge et or, quoi. Et là, il y a justement une fiole violette, une fiole verte et les vêtements violets et verts. Donc, c'est un peu bizarre. Oui, à part ça, justement, les couleurs, c'est beaucoup de rouge et or, comme Gryffondor. Rouge et or, comme Gryffondor. Plus, cette armure tout devant qui représente un griffon, a priori. Mm-hmm. Ah, pas sûr. Je sais pas. Non, moi, je dis que sûr. C'est un dragon. Moi, je dirais un dragon ou une gargouille ou je sais pas. Mais ou une gargouille, parce qu'un griffon, il a pas le corps d'un lion. Non, un griffon, c'est, ouais, c'est une tête de lion avec... Ouais, ouais je sais pas, non. Mais en tout cas, il a ni la tête ni le corps d'un lion. Non, déjà. Donc ça peut pas être un griffon de toute manière. Attends, il a les pattes pointues, il a des elfes, il a des épines sur le dos. Moi, il me fait penser à un dragon. Un dragon. Ouais, ça fait penser à un dragon. Ouais. Ou alors, oui, éventuellement peut-être une gargouille qui ressemblera à un dragon, mais non, c'est un dragon pour moi. Bon, c'est de ma faute, je veux voir Gryffondor partout parce que je veux que ce soit l'épée de Gryffondor. Bah oui, oui, l'épée de Gryffondor, je suis d'accord. Mais remarque, sur le reste de l'armure, sur le plastron, là, c'est carrément un serpent. Donc, c'est pas forcé que ça soit, que ça appartienne à Gryffondor. Mmh. Mais c'est un casque, ça, en fait. Enfin, c'est un home. Et si vous regardez bien derrière, oui. on dirait qu'il y en a un deuxième de home. Juste derrière. Oui, c'est vrai. Donc, peut-être que, enfin, il y a plusieurs armures. Enfin, ça, c'en était une comme ça, quoi. Mmh. Elle représentait pas grand chose, je sais pas. Juste pour revenir sur les vêtements de Ron et Hermione, ça peut être leur vêtement justement pour le mariage de Bill et Fleur. Ça, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Si ça se trouve, ils reviennent simplement du mariage et ils se retrouvent embarqués là-dedans. Oui, mais t'as vu dans quoi. Quelle position ils reviennent. Bah oui, mais ils ont l'air complètement effrayés. Mais je sais pas, il leur arrive un truc en pleine chute. Je sais pas, admettons qu'il leur arrive un truc pendant le mariage et qu'ils partent rapidement. Ouais, je sais pas. Et j'ose espérer que Hermione sera mieux habillée pour le mariage, hein, parce que vu ce qu'elle nous a fait au bal dans le tome 4, elle peut très bien s'habiller mieux que ça. Ouais, bon, ça c'est du cinéma, quoi. Oui, et être coiffée mieux que ça. Exactement. Aussi. Exactement. Surtout avoir une autre tête que celle-là. Parce que... Là, c'est les cheveux dans tous les sens. Ouais. Donc ça va pas du tout. Donc, ouais, là, on dirait qu'ils reviennent d'une bataille, ou je sais pas, parce qu'ils sont les trois blessés. Ouais. Et si on regarde... Enfin, peut y avoir une bataille au mariage. Aussi. Hein. Et... Oui, parce qu'il y a les jumeaux ouais. Weasley, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. La robe de Ron est déchirée côté... en bas et celle de Hermione sur une manche aussi. Hein. D'un ouais, côté, quand on lit, quand on lit le résumé qu'il y a sur la couverture et qui dit que Harry donc doit quitter la sécurité du terrier, etc. Bah, ça me fait plutôt penser qu'il s'est rien passé de spécial au mariage et que ça commence après, c'est quoi. Vrai. Donc c'est un peu. Oh, oui, c'est après. Ouais, donc du coup, c'est pas très cohérent avec l'histoire des vêtements qui viennent. Enfin, s'ils reviennent du mariage, quoi. Non, puis ils sont en pleine chute, vraiment. Ouais. Il se passe quelque chose. On dirait qu'ils sont aspirés en arrière. Ou... Oh, c'est peut-être leur robe de sorcier quand ils sont avant, quand ils sont pas à l'école. Hein. Mais enfin, elles sont un peu moches. En civil, ouais. Ouais, mais bon, Harry, il en a non, pas. Non, il y a des jolies broderies. Non. Non, mais de toute manière, il leur arrive un truc à ce moment-là parce que donc ils sont blessés. Harry, dans ses lunettes, on voit des reflets. Ouais, mais c'est des les mêmes reflets que dans le tome 6, si on regarde bien. Non. C'est pas les mêmes reflets, je m'en tiens, parce que dans celui du tome 6, on voit que ça fait un cercle. D'un verre à l'autre, on voit que ça fait un cercle. Là, ça fait pas un cercle. Il a un truc qui est enflammé juste devant lui. Ça fait pas une... Oui, je suis d'accord. Merci. C'est pas la même chose. Bah, moi, c'est pas les mêmes. Ça ressemble vachement, mais c'est faut pas faut aussi les mêmes voir que la cicatrice a bougé entre le tome 6 et le tome 7. Donc après ça c'est de l'interprétation de l'artiste quoi. Bah moi en fait là ça là, l'impression que ça me donne c'est que ça pourrait se passer à Gringotts et qu'il serait tombé sur les dragons et c'est pour ça qu'il y a cette couleur rouge de feu, ils regardent tous les trois dans une direction différente un peu en l'air. Il peut... Ah oui, parce qu'il y a quelque chose de très grand devant. Voilà, moi je alors pourquoi comme on pense à Gringotts quand même qu'on précise. C'est aussi parce qu'il y a ce cercle derrière et on pense à l'ouverture d'un coffre. Voilà. Et puis bon, évidemment, toutes les richesses là-devant aussi. Et toutes les richesses que ça serait, oui, ça serait un trésor qui est caché à Gringotts. Donc il y aurait peut-être un Horcrux caché à Gringotts. Peut-être. Mais après, c'est vrai que c'est pas bête de cacher un Horcrux à Gringotts. C'est plutôt intelligent quand même. Oui. L'endroit le plus sûr après Poudlard, c'est Gringotts. Mm. Ou l'inverse, l'endroit le plus sûr après Gringotts, c'est Poudlard. Mmh, quelque chose comme ça dans le tome 1. Après Poudlard, oui, bon, peu importe. Ouais. Mais si ça se trouve... Donc, oui, alors Harry l'a projeté vers l'avant, alors que les deux autres, on ne sait pas trop s'ils sont aspirés vers l'arrière ou projetés vers l'avant. Mmh. Ouais. Et en plus, Ron, il est les pieds devant et Hermione, elle a la tête en avant. Donc, ça fait un petit peu... Alors, désolé pour cette référence module, mais ça me fait un petit peu penser aux Goonies à la fin, quand ils tombent dans les toboggans. Et, mais peut-être que, franchement, chez Gringotts, alors déjà qu'ils ont des petits wagonnets et tout, c'est pas impossible qu'ils aient des toboggans, genre, pff, ils tombent, mais ils arrivent quelque part. Donc, en fait, le parc d'attractions Harry Potter, il serait à Gringotts. Oui. D'accord. Et là-bas, on retrouverait... Enfin, non, mais je sais pas. Pour perdre des gens, parce qu'on dit que c'est un labyrinthe, donc des toboggans, histoire de te perdre, on n'arrive pas à les remonter, donc c'est pas mal. Mais sinon, d'une façon plus générale, au niveau des couleurs, la couverture en elle-même, le orange, le violet et le noir, ça fait un peu Halloween tout ça, hein, je trouve. Hein. Oui, mais le violet, c'est la classe. Donc ça peut aussi renforcer la théorie selon laquelle il se passera quelque chose d'important à Halloween. Enfin, il se passe toujours quelque chose d'important à Halloween. Oui, c'est vrai. Mais de très important, on va dire, parce que c'est la première fois que c'est les couleurs qui sont sur la couverture. Est-ce que ils seront à Gringotts à Halloween? On ne sait pas. Par contre, alors on pourrait parler aussi un petit peu de l'arrière de la couverture. Du reste de la couverture, oui. Le petit symbole sur la tranche. Sur la droite, c'est vite vu. Donc un cercle dans un triangle avec une barre au milieu. Qui a l'air d'être sur un fond un petit peu marbre ou papier. Ouais, marbre ou papier. Alors le symbole, notre expert Pruno, toi ça te parle? Parce que moi aucune ça me parle idée. Pas. Hein. Oh non, comptez sur non. toi. Ah mais enfin, non, après quelques recherches, nous, le pas, triangle hein. C'est le symbole de l'homme. Enfin ouais, tout ça, ça pourrait être. Oui. Ah et... oui, comme dans Da Vinci Code, la pointe. Et ouais, et le cercle, ce serait le symbole pour le ciel. Donc après, bon, qu'on voit un. L'homme dans le ciel, quoi. Mais qu'on voit un triangle. Dans un cercle, ok, mais que ce soit l'inverse. Ah oui, ça veut plus dire ça... même chose. Ouais. D'accord. Sachant que sur les autres couvertures, en fait, on voyait des trucs assez classiques, c'est-à-dire Dumbledore, Edwige, Sirius en Animagus, la bague des Gaunt, des trucs bah, qui soulevaient pas trop de questions. En mais fait. Oui, bon, sauf que la bague, on la connaissait pas d'avant. Voilà, mais qui sont quand même assez importants à chaque fois dans les livres. Ouais. Donc, donc là, pour nous, c'est important aussi. Donc Je sais pas, ça pourrait être le dernier Horcrux. A priori, ça serait important. Et sachant que cette histoire de marbre, alors ça peut faire penser à deux trucs. Soit une pierre tombale, donc il le verrait sur la pierre tombale de quelqu'un. Mm-hmm. On sait pas, ses parents. Ouais. Genre ses parents, à Godric Solo ou ailleurs. Au hasard. Ou alors, moi je pensais sinon, c'était pour rester dans l'histoire de Gringotts, sur le marbre d'un hall d'entrée. Parce qu'on dit justement, au tout début, il dit que le hall d'entrée de Gringotts est en marbre. Donc est-ce que ça serait pas un symbole pour indiquer quelque chose ou à un endroit précis? D'accord, un X ne marque pas l'emplacement, mais un symbole bizarre. D'un endroit où il faut soulever une dalle pour aller je ne sais où. Pourquoi pas? Pour je tomber dans un coffre de Gringotts. Voilà. Oui, mais par un toboggan d'abord. Ouais, pourquoi pas. Enfin. Et donc à l'arrière, il y a Poudlard, a priori. Ouais. Enfin, avec une grande lune, la forêt interdite. La porte grande ouverte et plein de lumière. Avec des loups-garous cette nuit-là. Oui, des loups-garous. Un loupinou. Ouais, la porte grande ouverte, donc on espère que normalement Poudlard va rouvrir. Oui, déjà. Et puis c'est allumé partout. C'est... Quoi, donc, Et puis c'est surtout que Harry va y retourner, parce que comme on voit tout à travers les yeux d'Harry, si là on voit Poudlard, c'est que forcément il va y retourner. Bah, pas forcément, parce que pour le tome 6 par exemple, on voyait sur la couverture. Le serment inviolable que font Rogue et Bellatrix. Et il le voit pas. Donc ça, il le voit pas, Harry. Donc ça va pas dire qu'on le verra, mais a priori, il s'y passera des choses. Oui, je pense que même s'il y retourne pas pour faire ses études, ça me paraît. La scène finale, moi je le verrais bien à Poudlard, quoi. La bataille finale à Poudlard, enfin, je sais pas. Il y a cet aspect, Poudlard. Qui, on aurait dit que c'est quand même un peu abandonné, quoi. Je sais pas, c'est. Ça a l'air vide, désert. Il y a ces gros nuages gris qui annoncent rien de bien, et surtout cette pleine lune pour Voldemort qui a quand même tous les loups-garous dans ses rangs. Ce serait quand même une bonne soirée pour attaquer. Ce nuage de poussière, ce nuage, il me fait plus penser à un nuage de poussière qu'à un nuage d'orage. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une armée qui arrivait et qui soulevait la poussière. Quoi. Voilà, ça me fait un peu penser à ça. Ouais, d'un autre côté, encore un final à Poudlard. Moi, je dirais manque d'originalité. Et ah, mais c'est pas forcément le final, pas forcément le final. Parce ah, mais on va pas parler de la couverture américaine maintenant, mais a priori, le final, il se passe dans une arène, donc bon. Mais il peut se passer une bataille, enfin quelque chose d'important à Poudlard quand même, quoi. Oui, d'accord. Ok. qui a l'air abandonnée. Mmh. Oui. Enfin, qui a l'air abandonnée. Non, au contraire, on dirait qu'elle a l'air si abandonnée que ça. Non, est-ce que c'est tout allumé, c'est tout allumé, c'est pas du tout. Enfin, il y a les arbres là qui sont tout moches, il y a le gros nuage de poussière, mais le château lui-même, il a l'air en pleine forme. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est enfin, juste, ouais, sinon... ça a l'air de manquer d'animation, quoi. Enfin, peut-être à l'intérieur ça va, mais dehors, je sais pas. En même temps, moi, j'aurais pas tendance à me balader dehors la nuit. Hein. Ouais, surtout près de la forêt interdite, si un soir de pleine lune. Si tu vas pas dans la forêt interdite, c'est pas grave. Un soir de pleine lune, sinon, en plus. Donc, Alors, sur les côtés, on a d'une part un cerf, clairement, ouais. Cornedru. Ouais. Enfin, le patronus, de Harry, peut-être, plutôt. Oui, plutôt. Mais, Ouais, parce qu'il est blanc nacré comme ça, ouais, ce serait plutôt... Ouais, blanc nacré patronus. Et puis un serpent dans un globe. Ah oui, alors ça... Peut-être une prémonition mais avec des reflets. Il y a des reflets sur le globe qui ressemblent à des fenêtres. Voilà, tout à fait. On se posait la question que c'était de savoir si c'était pas une nouvelle prémonition de Trelawney, ouais, quoi. Je pense que c'est... Ouais. Comme ça pourrait être dans une salle, une boule de... Ouais. Parce que ça ressemble à la description d'une prophétie, donc... Des fenêtres et des étoiles, ouais. Et ce serpent de Nagini. Ou alors, c'est la façon dont Harry a réussi à détruire le Horcrux en enfermant Nagini, ou je sais pas. C'est une prophétie. Oh. Ouais, enfin, moi, plus que de l'enfermer, je le détruirais quand même. C'est plus facile de la tuer que... que de l'enfermer dans une gueule de cristal. C'est clair. Ouais. Mais c'est vrai, sinon, ça fait penser à une prophétie, en effet. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de cercles sur cette couverture. Il y a la prophétie, enfin l'éventuelle prophétie, il y a la pleine lune. Sur la page principale, enfin à l'avant, il y a le cercle, l'entrée éventuellement du coffre. Le cercle dans le triangle. Il y a le cercle dans le triangle. Enfin, moi, la forme revient vraiment très souvent, ça m'a choquée. Choquée Enfin, choquée, ça m'a frappée, quoi. Si tu préfères. C'est vrai qu'elle est une belle unité, quoi. C'est surtout ça, en fait. C'est une belle unité. Mm. Voilà. On arrive à la fin là en fait normalement. Oui je pense. Vu qu'on cherche à faire quelque chose de plus court que d'habitude. Et ben merci de nous avoir écouté. On continuera avec les autres couvertures la prochaine fois. Voilà. The Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue. Selon la rumeur, Lucius Malfoy serait devenu l'égérie de Lys Amplie, la marque de soins capillaires sorciers. Parce qu'il le veut bien. Argus Russard, quant à lui, devient le porte-parole officiel de la marque des détergents de la mer Gratsek, parce que lui aussi le vaut bien. Les employés du Poudlard Express sont en grève. Ils réclament 3 passages du chariot à friandises dans le train et une choco-grenouille gratuite par jour. Sirius Black est vivant. Il aurait été aperçu sur une plage californienne en train de jouer au frisbee avec 2 moldus en maillot de bain rouge. Intervention de la brigade des oubliateurs à Rome. Un duel acharné a eu lieu dans le Colisée en fin d'après-midi entre un grand sorcier à cape noire et un petit binoclard. Choc à Poudlard, les étudiants de bus se rebellent. La dernière question de l'épreuve de soins aux créatures magiques a été jugée infaisable. Il s'agissait de mimer un Veracras. On se retrouve bientôt pour encore plus de scoops. Demain, Harry va mourir. Donc dans la rubrique documentaire Moldu, donc cette fois on va pas vous parler du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais plutôt de Vous savez qui dans les films. Donc du premier au quatrième. Alors Vous savez qui, il a été interprété par un grand nombre d'acteurs, Dans le premier, il était interprété à la fois par un acteur qui s'appelle Richard Bremer et par Ian Hart qui joue aussi Quirrell. Donc en fait, il y a deux scènes où on le voit. La première, c'est quand il attaque les parents de Harry, donc le soir d'Halloween en 1981. Là, c'est Richard Bremer. Mais par contre, dans la scène finale, son visage était entièrement fait par ordinateur et sa voix était interprétée par le même acteur que celui qui jouait le professeur Quirrell, qui a donc pris deux voix différentes pour qu'on distingue bien les deux personnages qu'il interprétait. Dans le film 2, on le retrouve jeune, Tom Jeudusor. Donc ce coup-ci, c'est un jeune garçon de 16 ans qui est joué par un acteur Christian Coulson, qui apparemment a un fan club féminin assez développé. On ne le voit pas dans le Est-ce qu'on peut troisième, dire qu'il a de même quand même qu'on été bien choisi? Ah bah c'est censé être quelqu'un qui a beaucoup de charme et qui donc effectivement c'est Exactement, logique. c'est juste pour ça que je dis qu'il a bien été choisi, c'est tout. Voilà. Dans le troisième, on ne le voit pas, de même qu'il n'apparaît pas dans le livre. Et dans le quatrième, c'est Ralph Fiennes, qui est un Oui. acteur beaucoup plus connu que tous ceux qu'on avait jusqu'alors, qui donc interprète donc d'abord la voix de Voldemort, et ensuite, dans la scène finale, le combat, on le voit totalement défiguré, enfin donc avec une sorte de masque qui le rend à peine reconnaissable. Par contre, sa voix, c'est vraiment la voix de Ralph Fiennes. Même si dans les livres on disait que normalement Voldemort est censé avoir une voix très haut perchée, dans Ralph Fiennes, quand il l'interprète, a préféré garder sa voix normale. C'est vrai que c'est sans doute un peu plus agréable pour le spectateur à entendre que s'il parlait avec une voix très aiguë. Et c'est surtout que ça va dans un ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'humaniser Voldemort dans la fin du 4. C'est-à-dire que il a pas ses yeux rouges. Non, Il a pas oui, ses yeux rouges. effectivement. Il est même s'ils ont modifié un petit peu son visage, ils lui ont carrément gommé le nez numériquement, ça d'accord. Il a pas de sourcils. On voit toutes les veines de son crâne. On voit les veines aussi sur ses mains. Il a des très longues mains. Mais ils ont essayé en fait de le rendre physiquement, je parle, et dans sa manière de bouger assez humain, parce que ils se sont rendus compte que très souvent, ce dont on a le plus peur, c'est ce qui nous ressemble le plus. Et puis moi, cette voix, j'aime bien. Là, j'aime bien la voix de Ralph Fiennes pour Voldemort. Elle est très douce et je trouve que c'est encore plus effrayant que s'il avait une voix C'est une voix d'ogre. grave, ouais, Ouais, c'est voilà. vrai que... Et il a vraiment cette voix toute douce et enfin, je trouve que ça contraste beaucoup avec le personnage et du coup, ça le rend plus mystérieux encore, je trouve. Mais le personnage tel qu'il est joué, il est plein de contrastes aussi, parce que ce qu'il a voulu faire, c'est montrer que en fait c'est un personnage totalement imprévisible. C'est-à-dire que d'un seul coup il va se mettre en colère, il est incontrôlable et tout, et d'un seul coup on va retrouver le Tom Jedusor en fait, la personne très, enfin l'être très charmeur qui va Ouais. s'approcher, qui va Très avoir une voix posé et douce et qui, tout. oui. C'est Voilà. ça, ouais. Voilà. Et à côté de ça, moi, c'est un petit peu ce que je regrette dans ce personnage, c'est que pour moi, Voldemort est quelqu'un de très posé, qui va pas courir dans tous les sens, faire des grands gestes. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas Ouais, c'est besoin. ce que je. Ouais, c'est vrai que ça, Il en je impose pensais par son aussi. Ouais. calme déjà, par Normalement, son... il en impose par son calme. C'est comme Dumbledore. Dumbledore, normalement, rien que de le voir, on sent la Ouais, sagesse. enfin quand on voit comment ils ont massacré Dumbledore, on peut se dire qu'avec Voldemort, ça va, Voilà. on n'a pas été trop mal servi. Non, mais ils ont fait un petit peu la même chose pour moi. Oui, non, mais c'est vrai, c'est Ils les ont pas... Ouais. rendus Mais, très enfin, énergiques, très on bouge beaucoup. dans le monde, seulement dans le 4, parce que dans le 2, justement, il est justement très posé. Ouais. Et justement, ça lui allait très bien. Ouais. Oui. C'est pour ça que dans le 2, Tom Jedusor n'est pas décevant du tout. Il cadre très bien au personnage. Mais Et c'est on surtout quelque comprend. chose qu'on va retrouver par la suite, parce que dans le film 6, on va revoir Tom Jedusor jeune. Ce sera sans doute le même acteur, mais ça n'a pas encore Ben été on espère. confirmé, mais on peut s'y attendre. Et on retrouvera aussi Ralph Fiennes qui va interpréter Voldemort adulte dans les prochains films. Mais Du coup, j'ai il entendu forcément qu'on allait l'avoir. retrouver dans le 5 aussi, Ralph Fiennes. On le retrouve dans le Ah oui. 5 et a priori il sera aussi là dans le 6. Du coup, on Donc j'ai devrait sans entendu doute qu'ils allaient avoir être une certaine interdits. mise au point entre les deux acteurs. Et on peut imaginer qu'ils essaieront d'avoir un jeu de Voldemort qui corresponde et que ce soit plus Enfin, après, homogène. on peut Apparemment, imaginer une ils sont en train évolution. de faire les castings apparemment pour Lord Voldemort dans le film 6. Et enfin, a priori, c'est pas la même personne, quoi. Bon, c'est pas encore sûr, Oui, non, non, mais Mais peut-être qu'ils ça, font c'est un casting les... pour lui quand il est enfant. Oui, quand il est Enfant enfant. seulement? Non, c'était pas que enfant, là, Bah, on c'est sait pas, non, en fait, parce on n'en que sait rien. mais en fait, je vois de quoi tu parles, Alice, mais c'était la nouvelle sur TLC. Mais en fait, je pense pas que ce soit Voldemort, ça pourrait être Morphine aussi. Ah, Ou mais il parlait de un Voldemort aussi nouveau. pour ça. Ouais, mais il disait que ça pouvait être. Mais moi, je pense D'accord. qu'il reprendrait plutôt l'ancien. Enfin, l'acteur. Bah, c'est ce que je pensais aussi, c'est Et pour ce ça que ça m'a serait surprise. plutôt un nouveau personnage. Enfin, moi, la photo du monsieur, là, je le vois plutôt interprétant Morphine, quoi, qui est vraiment une tête de psychopathe. Oh non, on se rend compte qu'ils essayent quand même de garder les mêmes acteurs, donc ça serait dommage qu'ils nous remplacent Tom. Bah oui, carrément, oui. Oui. Bon, et donc dans le film 1, vous avez pensé quoi? Personnellement, je le trouvais beaucoup moins effrayant justement dans le film 1 que dans le film 4. Il avait cette voix qui était toute bizarre et... Moi, derrière je le trouve... la tête, ouais, il avait... Ouais. Personnellement, moi, il m'a fait Enfin, ça a été un choc énorme parce que je connaissais pas Harry Potter et j'ai vu le film en premier. Donc moi, avoir la tête de Voldemort accrochée au crâne de Quirrell, ça m'a carrément choqué. Hein. Ah, moi, c'est l'inverse. Enfin, pareil, j'ai vu le premier film avant de lire les livres et... Honnêtement, ça, j'ai trouvé ça un peu ridicule, quoi. Moi, dans le livre, cette image, après, elle m'a beaucoup choquée, mais autant dans le film... Ah si, moi, j'ai dit, attends, montrez ça à des enfants et tout, c'est vraiment limite. En plus, ses yeux, ils ont l'air complètement fous. Il a une voix... Non, il a une voix très, très bien. Moi, j'ai trouvé ça assez fort, quand même, dans le premier. Hein. J'étais assez étonnée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais un petit peu déçue du personnage du 4, qui, pour moi, bouge de trop. Ralph Fiennes dit qu'il se rend compte qu'il incarne le mal absolu. Ah, c'est bien, mais d'un autre côté, moi je trouve qu'il bouge de trop, il en fait un petit peu trop. Pour moi, l'incarnation du mal absolu, c'était l'empereur dans le Retour du Jedi. D'accord, ça c'est le mal absolu, il bouge pas, il est là, rien qu'à le voir, on a peur. Rien qu'en le regardant, on a peur et on se rend compte que moi, j'aime c'est bien, un tyran et tout. J'aime bien il revient, disons, à la vie. Après une période de 13 années où il est resté quand même quasiment fantôme. Donc il dit aussi qu'il teste pas mal son corps, quoi. Oui, ça par contre, c'est pas mal. Il revient à la vie. Donc c'est vrai que rester sans bouger, stoïque, alors que tu viens d'avoir un nouveau corps, bof, non, quoi. Au début, ça, il le fait très bien. Il touche sa tête et tout, il teste son corps, d'accord. Mais c'est un peu après. Moi, j'ai pas envie de courir, de... de courir, de batifoler dans les prés et tout. Oh, fantastique. Je vois bien Voldemort comme ça dans son cimetière. T'allais sentir les coquelicots, oui. Voilà, dans son cimetière, c'est tellement mignon. Voilà, c'est tellement mignon. Va sentir les chrysanthèmes. Moi, j'ai bien aimé l'interprétation quand il va toucher la cicatrice de Harry. Il est complètement dément, quoi. Il a les yeux exorbités, la langue dehors. Enfin, bon, c'est clair qu'il bouge beaucoup. Il est très énergique et tout, mais. D'un côté, il a l'air complètement taré, quoi. Mais voilà, mais quand il se calme et puis quand il se calme, qu'il bouge plus et qu'il a l'air complètement dément, là, il est très bon. Par contre, tout le travail, de maquillage et d'effets numériques, moi, je reproche pas. J'aurais bien aimé les yeux rouges. Eux, ils s'en défendent. Non, mais justement, il y a une explication à ces yeux rouges, c'est que justement. En ajoutant des yeux rouges, disons, il aurait perdu cette expression. Parce que quand même, les yeux ont un rôle important dans le cinéma. Tu peux avoir plein d'expressions rien qu'avec les yeux. Ouais, donc, ils ont voulu garder le jeu de l'acteur, en fait. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que si t'aurais mis des pupilles rouges ou tout ça, tu perds quand même beaucoup, je pense. De toute manière, on perd complètement la couleur des yeux parce que Harry n'a pas les yeux verts. Donc... c'est bien, c'est le contraste d'avoir les yeux verts d'un côté et les yeux rouges de l'autre. C'était ça qui était intéressant. Voilà, pour la peine, ils ont tous les deux les yeux bleus. Hein. Voilà. Comme on les a pas d'un côté, tant pis pour l'autre côté. Hein. Ils sont même plus en serpent, là. Les yeux, ils sont vraiment restés ceux de l'acteur, quoi. Ouais, moi, ça m'avait choqué. C'est vrai que j'ai compris leur choix, et ok, mais pour moi, c'était un des trucs importants, quand même, les yeux de serpent rouge, quoi. Donc j'étais un peu déçue de pas les avoir. Même si ça permet de mieux conserver le... Enfin, de toute façon, la scène entière est quand même très sombre, donc on n'a pas vraiment l'occasion de remarquer la couleur des yeux, j'ai trouvé. Juste au moment où il appuie sur la cicatrice, où on voit vraiment. Exactement, il y a ce moment-là. Sinon, c'est vrai. Et quand que... il ouvre à part les ça, yeux, comme c'est quasiment du noir et blanc, on s'en rend pas vraiment compte. Quand oui, il ouvre les yeux au début, ça se voit s'il vraiment. S'il avait eu les yeux rouges, on l'aurait beaucoup plus vu, à mon avis. Aussi. Et sans doute que dans le 5, on le verra. Qui va vachement bien avec cette scène justement très noire, c'est son costume. Moi, je voulais juste dire un petit truc sur le costume parce que ça lui va très très bien. Surtout la façon dont il apparaît, c'est vraiment quand il sort du chaudron et tout, ça l'impression que ça l'enveloppe comme du satin, enfin c'est vraiment super. C'est de la soie en fait, c'est de la soie. Voilà. Et c'est vraiment, on dirait plusieurs couches de peau qui se rajoutent comme ça et on a vraiment l'impression que ça fait partie de lui, ça lui va très bien. Ça c'est très vraiment bien. Mais elle est très bien faite là. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Justement, juste avant qu'il ressuscite, donc au moment où Quodeverre le jette dans le chaudron, on ne le voit pas vraiment, mais cette sorte de bébé difforme, là, elle est vraiment immonde. Ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est vrai que ça, c'est vraiment horrible. Moi, bébé, je pense moi que avec la version bébé m'a presque fait plus peur que la version adulte. Ah oui, de toute manière, quand on lit le tome 4, rien qu'avec les mots, on imagine un truc immonde. Mmh. Donc, quelque part, c'est très bien fait. Non, ça c'était pas mal, ouais, c'est pas mal. Mais toute cette scène du cimetière est. Enfin, moi j'ai ouais, bien aimé, dans l'ensemble, Voldemort n'est pas décevant. Que ce soit dans le 1, dans le 2 ou le 3, de toute manière. Donc, bah, on est. Dans le 4, pardon. Donc, on espère que. Dans le la scène du aussi, ministère. Ouais, j'attends hein, la scène du ministère, j'espère qu'elle sera à la hauteur. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour là, à peu près. C'était celui dont on ne doit pas prononcer le nom et qu'on n'a fait que prononcer depuis. Le Seigneur des Ténèbres. À tout de suite. À tout de suite. Le Fizz Whiz Biscuit. Le Fizz Whiz Biscuit. Le Fizz Whiz Biscuit. Le Fizz Whiz Biscuit. Le quoi? Le Fizz Bee Whiz Quiz. Le Fizz Bee Whiz Quiz. Le Fizz Whiz Whiz Quiz. Le Fizz Bee Quiz. Le Fizz Whiz Biscuit. Pour cette nouvelle partie de Fizz Whiz Biscuit, nous allons jouer au choix pot magique. Donc Elena et Purple vont s'affronter dans une partie où vous aurez chacune le choix, vous aurez chacune en fait un menu avec 5 questions et celle qui répond au plus de questions sur les 5 gagnera la partie. Il y aura donc chacune un thème différent et il y a une de vous deux qui va pouvoir choisir son thème. Pour choisir le thème, on fait appel à Alice. Voilà, donc pour vous départager, une petite question très compliquée. Quelle pointure vous faites? Bip. Quelle est votre pointure de Quelle chaussure est votre pointure? Ouais, moi je fais du 41. J'ai des grands pieds. Moi du 38. Eh ben, ouais, c'est mais toi, Purple t'es petit, qui commence. Purple, tu commences. Purple qui commence. Quoi, c'est Purple le grand pied qui... c'est bien. Mais je suis vachement plus grande que toi aussi, ça compense. Mais on s'en fiche, tu commences. D'accord. Ok, bah je commence. Donc, alors, je peux choisir, j'ai la main. Purple, tu as donc le droit de choisir entre les deux thèmes. D'accord. Tu as le choix entre le thème le vert ou la mer. Ça rime. Voilà. Ah, tu choisis un des deux thèmes. Ok. Étant inscrite au CFLM, évidemment, je me dois de choisir le vert. Le vert. Bien, bien, bien. Alors, on vous prévient tout de suite. Certaines des questions sont faciles, d'autres sont difficiles. Voire très difficiles. Plusieurs sont tordues. Voire tendues. Voire question de pruneau, quoi. D'accord. Voire c'est les questions de pruneau, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Non, Alice aussi a aidé. Oui, j'ai fait les questions rien faciles, moi. Allons-y. Donc, Purple, la première question, le thème c'est le vert. Attends, ça commence dur, hein. Qu'est-ce que l'incident d'Ilfracombe? Bip. Toi, non. Tu sais. Moi, je sais. T'as pas le droit. Elena, t'as pas le droit de répondre. T'as pas le droit. Je sais, je sais. Et je ne répondrai pas. L'incident d'Ilfracombe. Garde le thème en tête. Le vert. Le thème en tête. L'incident d'Ilfracombe. Ah ouais, non. Je date, c'était en 1932. Je peux répondre si elle sait pas. Mais c'est pas des questions potteriennes. Il te reste 10 secondes. C'est une question potterienne. 1932. Ah ouais, non, je vois vraiment pas. Non, tu passes. Bah ouais. Bon, Elena, ça te fera pas gagner un point, mais si tu veux, tu peux quand même donner la pour réponse. L'honneur. C'est un... Pour crâner. Voilà, c'est un dragon, un ver gallois qui s'est échappé et qui a foutu le bazar sur une plage moldue. Oh là bien, fait. Bien Bravo. Vu, bien. Oh ouais, non, je l'avais pas. Merci là. Beaucoup. Alors, Purple, deuxième question, vas-tu te rattraper? Quelles créatures ont les cheveux verts? Mais vas-y, c'est trop dur. Oh non, c'est facile ça, arrête. Mais non, mais vas-y, ça me convient pas du tout. Oh là... Imagine... Imagine, quelle créature a les Vélans, elles ont pas des cheveux verts, non. J'ai le droit d'en dire plusieurs. Oui, tu peux essayer, mais bon. Les gnomes, ils ont pas vraiment de cheveux. Dépêche-toi. Tic-tac, tic-tac. On sait rien, moi, qui c'est qui a les cheveux verts. Les lutins. Ah, les gnomes. Les lutins de Cornouaille. Non. Les cheveux verts non plus. Les êtres de l'eau. Les êtres de l'eau. Ouf, non, ça non. Ils sont pas violets. Bah, ah bah non. Ils ont les cheveux verts, ils ont les désolé. Cheveux verts. On est parti pour un 0 sur 5. Vas-y, continue. Ah, c'était moi. Alors, à ça, tu vas pouvoir trouver. Quel personnage se fait deux amputations volontaires? Quel personnage se fait deux amputations volontaires? Garde le thème en tête. Pense toujours au Alors, thème. Ça a rapport avec le vert. Vert, vert. Vert. Alors là, j'en ai aucune idée. Je peux même pas t'aider. Un personnage. C'est un humain ? Oui, oui. Oui, c'est un humain, un personnage. Enfin, souvent. C'est un humain. Oui, c'est vrai. Souvent. Souvent. Deux amputations. Volontaire. Mais j'en sais rien, moi. Réfléchis, le thème. Ouais, bah ouais, vert. Le thème, le vert, t'es gentil. Mais elles sont super dures, vos questions. Quel personnage se fait des amputations volontaires? Deux amputations volontaires. Deux Mais deux sur, bah, une, ou, deux, sur le même carrément. Moment. Non, non. Non, pas à la suite. À un paquet d'années d'écart. Oui. Ah, c'est pas genre Voldemort et il ampute une partie de son âme? Non, ça marche Mais pas. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le vert? Bah, le vert, c'est Voldemort un peu, non? Non, bah, il est... non, non, non, c'est pas ça. Il faut que ce soit dans c'est la réponse. Pas ça. Ouais, non, ça me vient pas. Bon, je crois que tu ne sais pas, Purple, désolé. On peut avoir la réponse quand même? Ouais. Oui, c'était que de vert. Ah, vert. Ah ouais, que de vert. C'est facile. Il fallait trouver. Ouais, oh là là. Garde le thème. Bon, en alors tête. La suivante. Donc, souviens-toi, vert. Donc, quel est le premier personnage mentionné dans la saga Harry Potter? Pour moi, c'est son oncle là. Le premier personnage, c'est l'oncle Vernon. Il y a vert dedans. Oh, bien. Putain, j'ai réussi à le dire. Elle a compris. Okay. Non, mais j'avais compris, mais ça me venait pas. Vas-y. Et il reste une question là pour. Oui, il reste une question. Alors celle-ci, elle est très très facile. Hein, tu vas trouver à tous les coups. La potion de ratatinage, chacun le sait, doit être de couleur verte. Mais quand Neville s'en charge dans le tome 3, de quelle couleur est-elle? Elle n'est pas orange? Oh, oh, quel titre! Oh, oh, oh. Ah, bravo, je suis fière de moi. Bravo, bravo. Très contente. Bravo, bravo. Bravo, 2 sur 5. Ouais, d'accord, je sais, c'est la honte. C'est pas grave. Mais t'as répondu à la question qu'on avait marquée impossible, pourtant. Oui. Si, mais tu vois, il y a des trucs comme ça qui me restent, mais le plan de queue de verre, je l'avais pas. Bah écoute. Voilà. On va voir si Hélène a plus de chance. Non. Ouais, avec un thème comme Elena, la mer. Ton thème, c'est la mer. Oh là là là là. T'es prête? Ah ouais, mais c'est première ouais, question. J'ai le mal de mer, c'est tout. On va voir si tu as bien écouté le podcast de la semaine dernière. Oui. Quel est le prénom de la grand-mère paternelle de Tom Jeudusor? Mérope. Non, la grand-mère. La grand-mère. Ah, attends, ça c'est la mère. Paternelle. Paternelle, c'était bonne blague. Attends, paternelle. Oui, côté moldu. La grand-mère paternelle. C'est pas Mary, un truc dans rouge. Si. Bien. Bien. C'est méchant. Un point pour Elena. Quoi, on l'a pas aidé? Ensuite, Elena. Deuxième question. Quel grand enchanteur a créé un ordre à son nom? Merlin. Ça, c'était trop facile. Ben voilà. Elle va protester. Elle l'autre. Elle était Vernon, hein. Non, mais j'ai mal choisi. C'est pas grave, c'est bien fait pour moi. De toute façon, non, non, on a testé les questions sur un cobaye. Oui. Et normalement, elles sont de difficultés équivalentes. Voilà. Alors donc... question suivante, Bruno. Question suivante. Dans quelle mer se trouve Azkaban? La mer du Nord, il me semble. Très juste, oui, oui. Très juste. Ça aussi, je savais. Mais t'avais qu'à choisir le bon truc. Et de toute façon, Elena, elle savait pour Ilfracombe, mais pas toi d'abord. Eh ouais. Donc, oui, les dragons, c'est grâce au livre. Est-ce que c'est encore la peine de poser la question, puisque tu as déjà gagné? Oh bah quand même, hein. Si, si, bah, vas-y, vas-y. Comme ça, c'est éclatante, c'est bien. Ça donc, me fait plaisir. Quel jour de la semaine Harry a-t-il astronomie dans le tome 1? Bah, mercredi. Bah ouais. Même sans savoir, c'est facile, hein. Moi aussi, je le savais. Mais attention, oui. il reste. Alors, une attention, question. Dernière question. Est-ce que tu vas faire un carton plein? Si ça l'a, tu l'as. Bravo. Quel est le nom de l'homme qui a traduit Harry Potter en turc? Non. Pas ça, non. Mais. Non, pas des quand même. J'en ai aucune idée. Le thème de la mer, souviens-toi, la mer. J'adore. Un truc de en turc. En turc, comme si j'avais lu le bouquin. Déjà. Oh non, franchement, honnêtement. Bon, tu passes. Ah, carrément, j'en ai aucune idée, là. Pruno, qui son nom traduit en alors, ouzbek. Il, il s'appelle Ulku ta mère. Et c'est vrai. Désolé. C'est vrai. Non, mais félicitations, Elena. Bravo. C'est ah oui, une victoire resplendissante d'Elena. 4-2. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Félicitations. Donc, bon, Purple, tu es en gros, tu es dernière, quoi. Et comme dit Marie-José Pérec, je suis quatrième, la place de la conne. C'est pas grave. C'est pas grave. Bah, le problème, c'est pas que t'es quatrième, c'est que t'es dernière sur quatre. Ça, c'est encore plus méchant. C'est pas grave. La semaine prochaine, on aura la grande finale entre Bruno et Aïlis. Je me vengerai. Je me vengerai. Voilà. Mais c'est dommage parce qu'on avait une question pour vous départager, mais bon, c'est pas la peine. Bon, vas-y, pose quand même. Ah, vas-y, pose quand même. On l'a fait, on l'a fait rapidité. On l'a fait sur la rapidité. Vas-y, comme ça, genre. C'est pas de la rapidité, c'est des enchères. Comme dans les cibles. D'accord. Oh là, on fait aux enchères. Oh là là. Combien de noms d'élèves ou anciens élèves de Pouf Souffle pouvez-vous citer? Il y en a combien? De tête, là, je dirais 7. Oh là! Purple, non, tu dis mieux? Non. Alors, Elena, on t'écoute. 7, non? J'ai dit 7 au pif en plus. Alors, vas-y, je vais pas, vas-y. Et si tu, si tu te plantes, t'as perdu, hein. Il y a Ernie. Ernie Macmillan, un truc dans le genre, non? Oui. Un. Il n'y a pas Finch machin chouette, là? Celui au néon trompette, non? Je sais même plus. Dis-en plus. Mince, j'en suis à deux, là. Là, le t'en manque que 5, hein. De toute manière, t'as perdu ce que t'as attendu trop longtemps, hein. Ah, Annabot. Oui. Ouais, 3. Ça fait 3, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À Pouf Souffle. Il faut que ce soit vraiment élève, parce que si je donne la prof Chouraf, ça compte. Élève ou anciens élèves? Chouraf, ça compte. 4. Oh, non! Dit... élève ou ancien élève? Bien sûr. Alors, s'il y a l'élève, il y a, il y a le fondateur. Il a sûrement été à Pouf Souffle, non? Oh non, ça. Bah non, non ça existait, elle a pas pu aller. Ça la maison pas. N'existait pas quand elle était à l'école. Ça, on n'y sait pas, ça marche pas. Allez, il te reste 3. Y a pas une Suzanne, non? Si. Suzanne Bones. Ah ouais, Suzanne Bones. 5. Mince, ça m'en fait toujours 2, ça. Ah, les joueurs de Quidditch. Y a pas celui qui a la perdantinite? Ah ouais, non, mais il faut des noms quand même, là. Hein. Il faut un nom quand même, hein. Tiens, il y a le tome 6 qui traîne ici. Non. Dommage. Non, il te reste 10 secondes. J'arriverai pas à les sortir, là. 3, non, j'arriverai pas. 4, 5, 6, 7. Non, je les aurai pas. 8. Elles sont rapides, ces secondes, par contre. Purple, elle l'a mauvaise. Elle, ah, veut... elle, elle veut vraiment m'éliminer, hein. Purple, tu peux compléter. Bon, vas-y, Purple, fini. Non, je peux pas dire les deux, mais j'en ai au moins un autre encore. Dis. Ah, non, vas-y. J'en ai peut-être même deux, mais pas sûr. Cédric Diggory. Oui. Bien. Et peut-être Amos Diggory. Mais pas sûr, ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Non, un autre. Je préférerais Zacharia Smith, si possible. Il y a Justin Finn-Fletcher. Ouais. Elle l'a déjà dit. Oui, mais elle avait pas dit son nom. Ouais, mais j'arrive pas à retenir les noms, moi. Et j'avoue. Le moine gras, ça passait aussi, oui. Je pense. Oui, le moine gras. Et aussi. La Perdantini, c'était Kate Voiladère, son nom, pour ceux qui ne Et tu sais, l'héritière de Pouf Souffle, justement, elle est certainement allée à Pouf Souffle, avec la coupe, ouais, là, que tu as. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi Zacharia Smith. Oh, Zacharia Smith. Ah ouais, je me rappelle. On est censé faire un podcast court. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, voilà. C'était la prochaine fois pour la grande finale. Bravo. C'était le fils de Avec des questions super dures. Biscuits. Des questions de la mort qui tue. Au revoir. Étymologie. Bienvenue dans la rubrique étymologie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la famille de Neville Longdubat. Et comme on va le voir, c'est un nom qui a plusieurs significations, certaines sont un peu plus cachées que d'autres. Son prénom Neville, ça veut dire Nouvelle Ville, mais c'est surtout connu comme étant le prénom de Neville Chamberlain, qui était le premier ministre du Royaume-Uni de 1937 à 40, donc juste avant et au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Il a très mauvaise réputation, parce que c'est lui qui a signé les accords de Munich, il s'est donc montré très passif face à l'Allemagne nazie, et on se souvient donc de lui comme un lâche. Mais heureusement pour la famille Longdubat, le reste de la famille porte des prénoms avec une connotation moins négative. Alors, l'autre personnage auquel on pense tout de suite, c'est Augusta Longdubat, qui est la grand-mère de Neville. Ce prénom vient d'Auguste, qui était l'empereur romain entre moments 27 et 14, et c'est également un titre qui a été donné à toutes les femmes d'empereurs romains à partir de la femme d'Auguste. L'adjectif Auguste, à la base, ça veut dire majestueux ou vénérable, et au féminin Augusta, ça portait en plus la connotation d'être des femmes à la forte personnalité, et également des femmes qui avaient beaucoup d'ambition pour leur fils, et qui voulaient que leur fils devienne empereur à leur tour. Elles étaient donc prêtes à intriguer beaucoup dans ce sens. Il faut également noter que dans la série Harry Potter, on a un autre personnage qui est Augustus Rookwood, qui porte donc un prénom très similaire, et Augustus, c'est en anglais l'équivalent d'Auguste. C'est donc lui un mange-mort qui était espion au sein du ministère. Alors le fils d'Augusta, c'était Frank, qui était marié à Alice. Là, ce sont deux prénoms très communs, ce qui est plutôt inhabituel pour des sorciers, d'autant plus qu'on sait que la famille Longdubas, c'est une famille au sang pur. Alors ça montre peut-être que les Longdubas ne méprisent pas les Moldus, contrairement à d'autres familles comme les Malfoy ou les Black, chez qui les prénoms sont beaucoup plus alambiqués. Alors le prénom Frank, ça vient de, c'est un diminutif de François à la base, ça veut donc dire petit français. Le prénom Alice, lui, il veut dire noble. Ça rappelle donc Augusta qui veut dire majestueux. C'est donc une mutation qu'on retrouve deux fois dans la famille. Comme au Longdubas, on a le grand-oncle et la grande-tante de Neville. Le grand-oncle, c'est Algie, qui est celui qui cherchait à prouver que Neville avait des dons magiques. Le prénom Algie, ça veut dire qu'il porte une moustache. Mais c'est aussi un suffixe qui s'écrit en français A-L-G-I-E, comme le prénom, ou en anglais A-L-G-Y. Ce suffixe, ça veut dire la douleur. On le retrouve dans des mots comme nostalgie ou névralgie. Alors, c'est surtout une coïncidence, mais le fait est que ça s'applique assez bien à ce grand oncle qui torturait Neville de façon répétée dans sa jeunesse. Enid, on ne sait pas si c'est la femme ou la sœur d'Algie, donc c'est la grande-tante de Neville. Ça réfère sans doute à Enid Blyton, qui est un des grands écrivains pour la jeunesse dans le monde anglophone. C'est elle qui a écrit Oui Oui, Le Club des Cinq, Le Clan des Sept. C'est sans doute en son honneur que J.K. Rowling a nommé ce personnage Enid, mais on a également une Enid dans la légende arthurienne. C'était la femme du chevalier Geraint. Donc ce chevalier se consacrait beaucoup plus à sa femme qu'à ses devoirs de chevalier, ce qui a donné naissance à des rumeurs sur ses capacités en tant que chevalier, et ce qui a fait culpabiliser Enid. Ils ont fini par partir ensemble à l'aventure, ce qui leur a permis de prouver à la fois leur amour et leur courage. Et c'est un prénom qui est typiquement gallois, Enid. De même que Trevor, qui est le nom du crapaud de Neville, c'est un nom qu'on retrouve notamment dans les barons Trevor, qui sont donc une lignée de barons gallois, ce qui pourrait laisser penser que la famille Longdubas est d'origine galloise, mais il n'y a rien d'autre dans les livres qui donne des indices dans ce sens. Alors, il y a un dernier Longdubas qu'on rencontre, c'est Arfan Longdubas. On le voit dans l'arbre généalogique de la famille Black, celui qui a été divulgué et mis aux enchères par J.K. Rowling pour une association caritative. Donc, Arfan Longdubas, pardon, c'était l'époux de Calidora Black, elle-même la fille d'Arthurus Black. On ne connaît pas son lien avec Neville Longdubas. On sait juste qu'il est né au début du XXe siècle. On ne sait même pas s'il est encore en vie ou pas. Alors, en français, Arfan, c'est un type de chouette, le Arfan des Neiges. C'est un emblème du Québec, et c'est également le type de chouette qu'est Edwige. Donc une chouette très particulière et que J.K. Rowling affectionne. En anglais, ce type de chouette porte un nom très différent, Snowy Owl, mais comme J.K. Rowling parle français, elle connaît peut-être ce mot. Ou sinon, elle pourrait l'avoir trouvé dans un autre contexte, qui est dans le monde de Narnia, donc dans le quatrième volume sur 7, qui est le fauteuil d'argent. Donc l'adaptation au cinéma sortira sans doute en 2010 ou 2011. Arfan, c'est une cité, la cité des géants civilisés du Nord. Alors quand je dis civilisé, tout est relatif, parce que les géants de Arfan invitent trois des héros à dîner, mais en fait dans le but de manger ces trois héros en question. Alors, suivant l'origine que J.K. Rowling a choisie, c'est soit très positif pour cet oiseau qu'elle aime, soit plutôt négatif pour ces géants pseudo-civilisés, mais un peu brutaux. Ça, c'est la liste de tous les personnages dont on connaît le prénom, mais il reste quand même le nom de famille, qui est en français Longdubas et en anglais Longbottom. Alors, dans les deux langues, il y a donc ce sens de quelqu'un qui aurait un gros derrière, ce qui serait donc plutôt péjoratif. Mais Longbottom, ça a d'autres sens qui ont été plutôt perdus dans la traduction française. Déjà, Longbottom, c'est un nom qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. C'est une des régions de la comté, donc de là que viennent, c'est de là que viennent les hobbits. Dans la traduction française du Seigneur des Anneaux, cette région de la comté devient Longoulet plutôt que Longdubat. Mais d'autre part, Bottom, ça ne veut pas forcément dire le derrière en anglais, ça peut avoir d'autres sens. Alors déjà, ça pourrait dire la vallée, donc il y a un certain nombre de lieux qui s'appellent Longbottom parce que c'est une longue vallée. Mais surtout, ça veut traditionnellement dire le pouvoir ou l'endurance. Et donc peut-être que derrière ce nom, Neville, qui était donc quelqu'un de lâche, et Longbottom, qui à la base veut dire quelqu'un de plutôt pâteau, ça pourrait également vouloir dire, d'une façon moins évidente, que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'endurance, et peut-être que justement ce pouvoir, cette endurance sont la face cachée de Neville Longdubat, et que c'est pour ça qu'on les découvrira que à la fin des aventures de Harry Potter, et pas du tout au début. Alors avant de clore cette section, je voudrais appeler les auditeurs à me donner des idées pour ce que vous voulez savoir pour la rubrique étymologie, parce qu'il y a sûrement des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres, et donc si vous voulez en savoir plus sur un nom ou une catégorie de nom en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur le forum ou un mail à pruno@gazettedusorcier.com. Merci et à bientôt. Nous arrivons à la fin de ce troisième podcast. Merci de nous avoir écoutés. Avec nous, Aïlis, Elena, Pruno et Purple. Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un mail à ritm@gazette-du-sorcier.com ou sinon vous connectez à notre site ritm.gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez également me contacter sur Skype où mon pseudo est pruno934. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Bisous.